devo prendere in giro. Ti amo, prima di fare l'amore. Ti amo, essi la rabbia di pace. E sottane sulla luce io. Umberto Tozzi avec son titre Te Amo sur RGM, un peu plus de 8h37. On fait un point sur tous ceux qui sont nés un 4 mars 1941, naissance d'Adrian Lyne, réalisateur producteur britannique à qui l'on doit Flashdance, 9 semaines et demie ou encore Liaison Fatale. 1947, naissance de Nicole Calfan, actrice française vue dans Borsalino dans le rôle de Ginette, Les Trois Mousquetaires ainsi que On l'appelait Milady dans le rôle de Kitty, La vérité Sigement 2 et 3 dans le rôle de Suzy Boudboul, la mère de Shoshana, vue également dans Nos plus belles vacances, un prince presque charmant, et l'année dernière dans le film Guy, dans le rôle de Stéphane Madani. 1952, naissance d'Umberto Tozzi, chanteur italien. 1960, naissance de Thierry Pastor, chanteur français. 1963, naissance de Jason Newsted, bassiste de rock américain, qui fut membre du groupe Metallica de 1986 à 2001. Et on s'écoute tout de suite un extrait de leur titre Nothing Else Matters. Voilà pour l'extrait de Metallica. Allez, on continue les anniversaires. 1968, naissance de Patty Kensit, actrice britannique. Vue en 1974 dans Gatsby le Magnifique, mais surtout connue pour son rôle de Rika Van Den Haas dans L'Arme Fatale 2. 1973, naissance de Len Wiseman, réalisateur, scénariste, producteur américain. Réalisateur de Underworld 1 et 2, de Die Hard 4, de Total Recall, mémoire programmée, scénariste d'Underworld 1, 2, 3 et 4. Producteur d'Underworld 2, 3, 4 et 5 et de la série télé Sleepy Hollow. 1986, naissance d'Alexis Buff, ancien biathlète français qui a fait carrière de 2006 à 2014 et qui au championnat du monde compte 2 médailles d'argent remportées en relais messieurs et 1 médaille d'argent et 1 de bronze en relais mixte, 4 podiums individuels dont 1 victoire, 12 podiums par équipe dont 3 victoires. 1988, naissance de Joshua Bowman, acteur britannique vu dans la série Holby City et connu pour son rôle de Daniel Gresson dans la série Revenge. Et en 2004, on apprenait le décès de Claude Nougaro, chanteur français qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on s'écoute, j'ai un chat dans la gorge ce matin, Thierry Pastor avec le titre « Le coup de folie ». Le coup de folie de Thierry Pastor sur le 107FM, il est presque 8h45, point météo. La météo. Et on va passer la journée sous la pluie et attention au vent, nous sommes en vigilance orange. En ce qui concerne les rafales de vent, ça souffle déjà ce matin, ça va s'accentuer d'ailleurs au fil de la journée. Donc soyez très vigilants sur la route notamment. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 9 et 10 degrés pour cet après-midi. Mardi sera également une journée pluvieuse, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi devrait être plutôt placé sous le signe des éclaircies. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés mercredi matin et entre 13 et 14 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec du football et les résultats de la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 à Caen. Angers et Monaco ont fait match nul de partout. Reims et Amiens ont fait match nul 2-partout également. Guingamp et Nantes, match nul 0-partout. Lille s'est imposé 1-0 face à Dijon. Nice s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Lyon s'est imposé 5-1 face à Toulouse. Et Marseille s'est imposé 2-0 face à Saint-Étienne. À noter que le match entre Nîmes et Rennes a été reporté. Et mardi, il y aura Bordeaux-Montpellier. En Ligue 2, Nancy s'est imposé à Sochaux 4-0. Et ce soir, Metz se déplace à Le Havre. En National 3, Thaon-les-Vosges a fait match nul face à l'équipe 2 de Nancy, 2-2. Et Raon-l'Étape s'est incliné à domicile face à Épernay sur le score de 2-0. En basket, en Pro B, victoire de Nancy face à Caen, 67-53. En National 1, victoire du Jet de Vosges face à Récy-Saint-Martin, 98-87. Et en National 3, victoire de Mirecourt à Noisy-le-Grand, 64-65. En hockey sur glace, en Détroit, c'était le match retour d'interclassement. Samedi à la patinoire de Poissompré, victoire d'Épinal sur le score de 5-2 face à l'équipe 2 de Nice. Épinal est donc toujours invaincu, 16 matchs, 16 victoires. On connaît l'adversaire du club spinalien pour les huitièmes de finale. Ce sera contre Reims avec un match aller dès ce week-end. Et le match retour se fera normalement le 23 mars à la patinoire de Poissompré. Un mot de ski boss avec Perrine Lafont qui a décroché une deuxième place ce week-end et qui s'est offert ainsi le globe de cristal. En ski de fond, le relais messieurs a remporté la médaille de bronze. En cyclisme sur piste, Quentin Lafargue a été sacré champion du monde du kilomètre. Et en vitesse, Mathilde Gros a remporté la médaille de bronze. Et on termine avec du tennis, avec le tournoi de Dubaï. Et la victoire de Roger Federer en finale et qui décroche ainsi son 100e titre en carrière. C'est seulement le 2e joueur à réussir cette performance après Jimmy Connors. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Claude Nougaro et le titre Toulouse. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des minimes, où mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir. Une fleur de corail que le soleil arrose, c'est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé ou ma cité gasconne. Trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? serait-ce empêtrée d'une bulle de jazz. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Au Païs, au Toulouse, oh Toulouse. Toulouse, Claude Nougaro sur RGM. Presque 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h. Rediffusion de l'écoute des jeunes avec Cassandra. 11h, la Christoire du cinéma. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. Et j'ai oublié à midi le retour de l'IA avec la bulle de l'IA. 15h, salut les 60 avec Gérard. 17h, rediffusion de la Christoire du cinéma. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.